marchant debout du temple des médias. Il est temps, mes frères, de partir en croisade pour une meilleure télévision. Et 10% pour 100%. Show radio classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Je comprends pas. On est-tu live? Sommes-nous live? On est-tu live? Oh! Oh! Attends, je le sais que t'es pressé, pas tout de suite. Bonjour, on est à 70%, je suis en train de jouer au DS. Et puis, ben, je voulais vous montrer l'évolution des consoles ici, parce qu'on a un show très chargé. Oui. Là, j'avais un Game Boy ici, qui est comme jaune, tellement qu'il est vintage, avec mon nom dedans. Là, puis, ça prend seulement 4 batteries AA. Seulement? Tu peux jouer pendant 2 heures. C'est fou. Et puis ici, j'ai un vieux Game & Watch de Mario Bros. De 1983. Oh, t'as c'est, ça. Oui. Je suis très content de montrer ces affaires qui vont servir à rien dans l'avenir de qui que ce soit. Et un autre vieux Game & Watch qui date, celui-ci, de 86. On est après la console, puis on continue à faire des handheld games. Et puis sinon, ben, je me suis acheté un gratteux. Y a-t-il quelqu'un qui a une scène? Je vais gratter ça en parlant de l'émission qui commence. Là, ça commence super solide aujourd'hui. On a Jean-François Dicker. Tu viens nous parler de tes rétro Nescapades, si j'ai compris. Ouais, ben c'est ce que tu m'as demandé l'autre soir. 15 000, c'est ça. Ben, parle-moi de toi, non? 15 000, ben je fais des petites vidéos sur YouTube qui s'appellent Rétro Nescapades. 25! Cool. C'est bon. On va revenir là-dedans. Là, okay, tu sais, je te prends pour acquis, on commence, puis tout. Là. Toi, Dave? Ouais, ben tu me connais, tu sais, ma passion pour le football. J'ai décidé de ramener ça ici et faire une chronique sur. Faut-tu que je regarde la caméra? C'est quoi? C'est vraiment une chronique sur l'Euro, hein, parce qu'on s'est quitté, ben oui. Sur un mondial assez spectaculaire. Les Allemands qui l'ont perdu chez eux. Et voilà, donc là, on se reprend 2 ans plus tard. Et voilà, ben merci, c'est parce qu'on s'en fout qu'il revient. Puis toi, Étienne, ouais. Thématique? Ben oui, moi j'avais une chronique sur les vertus que j'avais préparées puis que j'arrêtais pas de remettre à plus tard pour toutes sortes de raisons. Ben c'est aujourd'hui, bam, dans ta face, auditeur. On parle de vertus? On parle de vertus. Les vraies affaires, même si le mois de mai est fini, c'est le mois de juin, le mois d'anniversaire de Jean Charest que j'ai appris cette semaine. Oui, ben c'est qui est un super c'est Québécois. Le 24 juin. Il est né le 24 juin, ben oui. Ouais. Sinon, le film qui a été voté au www.douteux.org, c'est l'excellent. C'est ouais, c'est quand même assez popé. C'est les 3 mousquetaires, mais pas celui avec les 3 mousquetaires 2011, comme l'autre, mais pas celui avec Mila Jovovich ou la gang. Là, l'autre. Pas les explosions puis les bateaux volants. Là. Exactement. C'est ça. Exactement pas celle-là. Donc, et puis, sinon, oui, c'est ça, je suis très content de déclarer en l'air comme ça à tout le monde qui l'entende qu'à partir de maintenant, je vais remettre, quand ça va me tenter, des trophées Laurent Proulx, QFP All The Way. Remis, quand ça va me tenter, aux êtres humains qui aident la cause du statu quo en cédant eux-mêmes en toute impunité de la manière la plus arriviste possible sans aucun degré d'attention pour les conséquences de leur acte. Le tout en se considérant comme des victimes. Et donc, le premier trophée Laurent Proulx a été remis à éponyme Laurent Proulx pour son courage et ses convictions le 8 ouais. juin. J'en ai donné un rétroactif à son Altesse Jacques Villeneuve pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Le 9 juin, j'ai rencontré Stupide sur YouTube qui veut répondre à Gaétan Maudit là, qui trolle la province au complet avec des opinions aussi édifiantes que Jean Charest est né le 24 juin, ce qui en fait un super Québécois.

vraiment buzzant. Hey, on a compris même comment mon gratteux marchait. En plus, hein, oui, j'ai gratté le 8 et le 2. Puis si je trouve un 8 ou un 2, dans le mon cas, c'est mon premier avis. C'est super dole. J'ai rien à ça. Plus vite, ça coûte plus cher. Donc, la deuxième affaire qui est bonne pour les couples, c'est la confiance. La confiance, c'est important. Oh, la tune est quasiment finie. Donc, il y a Martine B et Jean-Claude Brialy qui nous l'ont chanté à un moment donné puis qui nous l'ont expliqué. Checkez bien ça, vous allez voir, il y a une mise en contexte. Yeah! Mise en contexte. Martine B faisait partie des Scarabées avant qui chantait Je l'aime, mon pays, je l'aime. Puis après ça, fait ça. Ça, je pense que ça la rejoignait plus, c'était comme plus, ça me ressemblait plus, c'était plus personnel. L'album est beaucoup plus personnel, on la voit aussi sur la pochette. J'ai oublié de donner un petit mot avant, ça fait les auditeurs la voix des recherches, ça vaut à peine. Nous chercherons. Je me demande quelquefois sur quoi se base notre amour. Je suis si souvent loin de toi, je suis absent pendant des jours. Des jours? Je me demande quelquefois, avec un brin de jalousie, que fais-tu quand je suis là-bas, hein? Sur quoi se base notre vie? Avec qui tu fous? Et c'est alors que... La confiance. La confiance. La confiance. en silence. Je te rejoins malgré le poids de ton absence. Hein? Ta présence. Encore un autre rang. Ta présence. Okay. Vient me calmer deux. Lorsque le vide ouais. Me balance. L'assurance, ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Voilà. Moi, ça me rappelle, parlant d'assurance, quand j'ai déménagé, ça fait déjà 10 ans, je magasinais les prix pour les déménageurs. Puis il y en a un qui chargeait vraiment beaucoup moins cher que les autres. Puis là, je dis, est-ce que ça comprend l'assurance? Puis il me dit, ah non, nous, on n'en prend pas d'assurance. C'est ça notre secret pour que ça soit moins dispendieux. Puis je dis, ouais, mais tu sais, c'est poche, il n'y a pas d'assurance. Ah, mais on n'en a pas besoin. Nous, on ne brise jamais rien. Ah, jamais! Argument. Donc ça, c'est quelqu'un qui a bien compris le concept de l'assurance. Depuis ce temps-là, moi, j'ai arrêté d'assurer ma maison. Puis je pars jamais au feu. On se fait fourrer, là, dans le fond. Fait que, ceci étant dit, mais la confiance... Fait un autre, sûrement. La... Non, j'en ai plus besoin. Il y a plein d'affaires qui m'arrivent jamais. What? Mais oui, j'ai pris un autre déménageur, ouais, effectivement. Yes! L'histoire, ça finit bien. Oui, l'histoire, ça finit intelligemment. Fait que... Ouais. Confiance, c'est important, surtout quand ils sont dans un couple, tu sais, quand ils sont séparés longtemps à cause du travail, whatever, la confiance. Une autre affaire qui est importante pour un couple, encore, c'est beaucoup les couples hein, aujourd'hui, c'est la sincérité. C'est important, je pense, hein, d'être sincère. Hein, Tommy? Ah oui, oui. C'est à toi que je parle. Mais, wow. Puis, ouais, hein, bon. Alors, il y a quelqu'un qui le sait que c'est important, c'est Richard Cocciante, alias Ricardo Cocciante. Ah, il est bon, lui. Oui, lui, il est bon. Il est sincère. Puis, lui, il a fait une chanson en 83 qui s'appelait « Sincérité », et c'est vraiment d'un ennui, mesdames, messieurs. Je la pars à l'instant. Bonne chance. Ça va être mielleux. Oui, c'est... C'est de même, là, t'sais. C'est genre Daniel Lavoie. Non. Ah, c'est... Si on commence à peine, on a 15 secondes, on est déjà plus capable. Si mettons, là, tu sais, je te dirais, prends le papier de mouche, fais une toune, là. Quand arrive la nuit, ouais. Il me reste dans un grand ciel, les étoiles. Les étoiles. Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille. Des brins de paille dans le ruisseau. Portés loin par sur la prochaine, là, je vais lire mon épée de vos instincts. Comme des amants que sur la prochaine, parce que les étoiles. Ah ouais. Sincérité. Attention. C'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité. Petite variante. C'est le nom que je voudrais nous donner. Mais il peut pas s'il la donne pas à elle avant le nom, tu sais. C'est ça, puis après ça, ça s'englobe. C'est ça, oui, pour pas se mélanger. Ça, c'est souvent un truc. Le nom du gars qui avait filmé son char à Sherbrooke dans les francs-tireurs. Ah, oui. Non, c'était Sérénité. Il y son jeu, là. Son père, puis le fils. Ben, son père qui subit, puis le fils. Sérénité, lui. Mais ça passe à la radio Rock des Brimes. Ah oui, Big Time, depuis déjà... Big Time! ça fait presque 30 ans, des là. Des fois, tu penses que c'est du blanc sonore, mais c'est Richard Cocciante. Une seule couleur, toute la musique. Bon, ben, on y donne 10 secondes, OK? 10 secondes, tout le monde, on est capable, là. OK? Tout le monde, on ferme nos yeux, 10 secondes. La journée, j'ai tout perdu au travail. Puis je reviens dans ta vie. Il nous reste dans un grand ciel. Les étoiles. Et voilà, c'est fini. Bon. Oh yes! Oh là là! Ouais, hein, c'était pas facile! On l'a fait! On le dédie à tous nos fans de par le monde! C'est un combat qu'au départ, on pensait pas être capable de... Finalement... Courage, c'est-tu le prochain? Finalement, on a toffé 1 minute 54. En parlant par-dessus. Un petit peu plus que la moitié, moi je nous donne le 60%, puis on passe. Yes! OK, tu veux lire un texte par-dessus une, on va en prendre une qui se porte bien à ça. Je vais y aller avec « Semer la joie » de Jacqueline Lemay. Jacqueline Lemay, qui est la sœur de Jérôme Lemay. Ça, je savais pas, j'ai appris ça récemment. Jérôme Lemay, la moitié des Gérola avec Jean Lapointe, là. sur un forum, là. Hein? Non, mais qui le savait à la maison? Puis « Semer la joie », ben c'est une chanson sympathique du temps qu'elle était religieuse, puis là, elle a demandé aux gens de semer la joie, puis en plus, elle fait son propre contrepoint, puis c'est super beau. Ça griche beaucoup, par contre, mais c'est ça qui est ça. C'est pas grave. C'est plus authentique. Ma voix apporte. Qu'il fait bon d'être heureux, de sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semer la joie. on te ralala, puis t'es en bas. Vive la charité, vive la vie, vive la vie, semez la joie. Épître aux sang, mes frères, les anges régnaient en un paradis digne d'eux. De là-haut, ils voyaient les ravages que subissaient les hordes de démons ordinaires. Les anges décidèrent de faire ce qui était le mieux. Le royaume du Grand Un allait se manifester, quoi qu'il se passe. Ainsi l'avait déclaré Ecclestone Ier au masqué justicier. L'instance se devait prendre un choix aux répercussions profondes en matière de vérité. C'était le statu quo cher aux anges ou la somme évidente de priorités incarnées par les démons d'ordinaire. Cela faisait 7 fois 77 journées de suite que l'instance préféra continuer à guider son peuple dans le désert de la vérité. Mais il avait raison, car il se savait tribun du secret divin tel que débattu et décrété dans les temples construits par la grande vérité. Fort de son fardeau, l'instance vit en cet endroit une occasion de choisir au mieux pour son peuple, un rayon de lumière pour éclairer leurs ténèbres. C'est pourquoi l'instance, usant de son habituel jugement, décréta que la course de char serait une priorité absolue et que l'avènement du Grand Un serait bon pour tous, les démons d'ordinaire comme les anges. L'instance réunit le grand proue du noble ordre des carrés verts et sa miséricorde l'évêque de Villeneuve. Il vit qu'il était bon. Sachant son message porté au-delà des marais par la vérité, l'instance invoqua sa garde bleue, rassembla tout le courage lui suintant du crâne et décréta « Debout, mes frères, pour l'ode aux valeurs. » À partir de là, je vais dire de quoi et vous répondez « Parce qu'il doit en être ainsi. » Couper aux bons endroits un corps malade n'est jamais la seule solution. On peut tous apprendre à vivre avec la gangrène. Parce qu'il doit en être ainsi. Mon peuple a beaucoup trop souffert et son futur mérite mieux que celui des autres. Ces décisions peuvent sembler égoïstes pour tous les étrangers qui m'entourent, mais au fond, ces décisions, je les prends pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Parce qu'il doit en être ainsi. Il est normal que les anges plus sages, plus vieux, plus riches et meilleurs veulent plus de statu quo. Plus de statu quo, c'est la chaîne de la vie qui fait que tout évolue vers la grande vérité. Parce qu'il doit en être ainsi. La vérité est un désert, le monde est vérité. Autant leur apprendre à y vivre tout de suite. Parce qu'il doit en être ainsi. Et c'est ainsi que l'avènement du Grand Un vint envelopper la cité, que l'instance vit son peuple faire un autre pas en direction de la grande vérité universelle et l'avènement du royaume des cieux. Notre morale soit louée tant qu'on a notre grand prix. Et voilà. Ouais, c'était ça mon texte. C'est bon? Oh, c'est ouais. Bon. Pas mal satisfait. Ouais, moi aussi. Vous pouvez vous rasseoir. Hey, Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait tout le temps plaisir de me vider le cœur sur les affaires qui me touchent. David, parlant de vidage de cœur, toi, t'es un fan de soccer, football. Ouais. On va se contenter de football. On va, parce que c'est quand même deux tiroirs que tu gardes en dedans. Ouais. Bien vu. Bon. Éliminons les mots inutiles. J'aime ça. Voilà. Ça commence bien, man. Voilà. Parfait. Voilà. On parle de football. Ben, vous savez, bon, ça, c'est l'Euro. Là. J'ai mis mon chat de la France. Malheureusement, ça a été 1-1 aujourd'hui. Donc, voilà. Mais, au moins, ils ont fait des buts. Ouais, mais ouais. Je vais te dire, Tommy, tu me connais, tu sais comment j'aime le football. Mais aujourd'hui, malgré le fait que c'était la France qui jouait, j'avais pas la tête à ça. OK. Il s'est passé des choses. Vous savez que l'Euro, la façon qu'on fait ça, okay. C'est un peu comme les Olympiques. La Coupe du Monde, donc les Olympiques d'été, puis l'Euro, la Coupe du Monde, les Olympiques d'hiver. Ouais. Okay. En fait, l'Euro, ça se trouve à être la Coupe du Monde sans le Brésil. OK. Et puis habituellement, c'est tout le temps un pays qui l'organise comme ça, parce que les pays sont assez grands pour se les organiser. Mais ceci dit, cette année, ce qui est particulier, c'est comme ça se passe dans un petit pays, puis qu'ils voulaient donner la chance. En fait, c'est le premier tournoi de l'histoire depuis la chute du mur, le premier tournoi majeur dans un pays de l'Est. Ah ouais, c'est quand même ça, c'est intéressant ça. Et comme ce sont des petits pays, donc, ça se passe en Ukraine et en Pologne, jumelés, donc ils font le tour comme ça. OK. Là, c'est une grosse parenthèse que j'ai fait parce que, comme tu sais, la France joue aujourd'hui, puis j'avais pas vraiment la tête à ça parce que, en fait, en Ukraine, hier, ils ont fait procéder à des arrestations. C'était pas des étudiants, mais c'était des gens qui manifestaient contre l'arrivée de prostituées de façon massive. Pour sur les combler fans. Les besoins qu'encourait l'euro. Ben, avec l'arrivée de touristes, surtout dans des pays qui sont réputés pas très chercheurs, ben, les filles, c'est pas très chercheur. Donc, chachère, j'aime ça. Donc, c'est pour ça, juste une petite, je sais pas si tu peux faire un petit zoom là-dessus, c'est les gens pour qui j'ai eu une pensée spéciale aujourd'hui. Ok, c'est les gens qui manifestent. Donc, c'est les manifestantes. Ils sont où, le carré? OK, il est... Ben, il y a un carré rouge, mais il est sur le chandail qui traîne à terre. Ouais, c'est ça. Et puis, ils ont une chaîne YouPorn sur laquelle on peut aller voir la suite. Ouais, mais ils sont... Puis, ce qui est assez européen de l'Est, c'est que le nombre d'arrestations est indéterminé. Ça, j'aime ça quand on sort. Ah! On n'a aucune idée de combien on en a arrêté. C'est compter comment ils en sortent, là. Ouais, c'est comme ça qu'on a arrêté. Rendu à 12, on a arrêté de compter. Donc, voilà. Plus de doigts. En Ukraine, ils ont 12 doigts. Mais ouais, on rit. Mais c'est quand même une drôle de manifestation. Ouais, c'est quoi, les madames se dénudaient pour critiquer le fait qu'il y ait des prostituées qui s'en viennent? Pour le fait de l'abus des prostituées. C'est des femmes qui sont solidaires entre femmes. OK. Ouais, ouais, ouais. Il y en avait trois. Ben, il y en avait trois sur la photo, probablement plus en dedans. Là. Ouais. Ouais, un nombre indéterminé en dedans. Non, ben, qui peut être trois. Mais... Qui peut être moins de trois. Puis là, sinon, dans le fond, dans les prochaines semaines, toi, tu vas venir nous parler de l'euro. On ressuscite la chronique. Donc, parce qu'on s'en fout. Exactement. Parce que l'idée derrière parce qu'on s'en fout, c'est qu'on va éviter de parler des choses qui ont rien à voir avec le foot. En fait. OK, ouais, ben oui. OK, ouais. Fait que 1-1, la game, c'était nul. Exactement. Ouais. Fait qu'à chaque semaine, bon, j'ai mes petites stats et tout. Puis 1-1, la game. Donc. Mais c'est pas fini, c'est une phase de poule que je vais vous expliquer avec des tableaux de mathématiques. Oh, OK. On va comprendre ça. Puis avant de vous... j'ai pas d'adresse, mais on va créer une adresse pour la prochaine émission. On va l'avoir. Puis je sais qu'il y a beaucoup de questions qui s'en viennent, mais j'aimerais quand même en régler une parce que ça va éviter de loader ma boîte. OK. Ouais, parce que donc, comme nous, on est inondé de courriels là, en ce moment-là. Tu fais bien de prendre des précautions. C'est que je sais que je vais juste vous donner le prix moyen de la pinte en Pologne et en Ukraine. OK. Qui est, de façon assez fantastique, le prix le plus bas d'Europe. Oh! Donc, une pinte, on parle de 58 centimes d'euros. Oh, mais là, je sais que tu dis, bon, les athlètes, les... Fait que tu laisses une pièce, puis tu viens de laisser 50% de type. Ben, je vais te donner le chiffre 40. Exact. Je vous ai fait pour les... une règle 3. Ah, c'est bon aussi. Ah oui, c'est bien pensé, ça. C'est toujours utile, hein, ça. On prend des notes à la maison. Donc, j'ai fait une petite règle de 3 parce que, bon, tu sais, il y a tout le temps le genre de stéréotype que les fans de sport, en général, savent pas compter. Ouais. Une règle de 3. Ben, oui, c'est 4. Donc, 58 centimes d'euros. OK. Okay. Sachant que... 58 centimes d'euros, sachant que 1 euro donne 1,2499 10 millièmes de peso canadien. Eh bien, c'est pas mal. Ah, là, je fais un petit tour de passe-passe. Je vous ai pas tout expliqué la formule derrière ça, mais... Ça, tu vulgarises, là. On vulgarise. OK. Puis en haut, ben, ça donne ça. Donc, la pinte, je parle pas d'une bouteille, mais bien d'une pinte. C'est combien, c'est 16 onces, je sais pas, là? Je pense qu'on est à 70% d'une pièce pour une pinte. On est presque 70% d'une pièce. On est à 62 sous, plus précisément. Donc, et ça, c'est en 2012. C'est pendant qu'on se parle. Il y a des gens qui sont en train de brosser pour pas cher. Ah ouais, puis il y en a beaucoup, si j'ai bien compris. Puis ils ont un renfort exagéré de prostituées. Hey, c'est un beau pays là-bas. Hein. On cherchait où déménager. Hein. Ça doit être ça, les droits et libertés. C'est voilà. De la bière et des filles. Hey! Hey, merci beaucoup, David. Ça finit ton petit segment. Parfait. La prochaine avec toi, on va aller écouter une des capsules de Jeff qui nous a amené. On va écouter celle de Clou Clou Land que tu m'as demandé en premier. C'est pourquoi elle? C'est la plus absurde que j'ai faite. Fait que je disais pour l'occasion douteur, c'était douteur. Bon, ben tu vois, hein, déjà bon on l'influence. Fait qu'on écoute ça puis on va en parler après avec. Diguerre avec... Ah non, toi, Saïd, tu t'en vas, tu vas laisser la place à Mathieu. Ouais, pèse-play, Dieu, pèse-play, on va régler ça. Yeah. En 1985, la revue Time publia un article sur la croissance et la propagation de la cocaïne à travers plusieurs pays. Vous savez, cette drogue dure qui semble rendre les gens énergiques, bavards, alertes, euphoriques, voire même gossants. Vous voyez, ça me fait penser à Clou Clou Land, développé en 1984 pour l'arcade et édité par Nintendo l'année suivante. C'était un des 18 jeux disponibles à la sortie de la console. Puis dans le jeu, on raconte l'histoire de Bubbles, le poisson rouge qui doit récupérer les lingots d'or que des oursins ont volés. À cette époque, le lingot d'or valait en moyenne 334 $ et 2 sous canadiens. Et je peux comprendre pourquoi Bubbles voulait les récupérer. Besoin de cash pour payer sa coke, voyons. Bon. Enchaînons avec une partie à un joueur, parce que... Voilà. Donc on commence dans une boule rouge et on choisit la direction qu'on veut prendre pour commencer notre recherche pour les lingots d'or qui sont cachés dans ce labyrinthe de pôles. Ouais, des pôles. Dans un monde marin. Whatever. Mais attention tourbillon, ça tue. Tout comme les oursins qui peuvent vous tuer. Mais vous pouvez les assommer à l'aide de votre sonore et ensuite les plaquer sur le mur pour des points. T'es mon esti! Pour pouvoir passer à l'autre niveau, faut dénicher tous les lingots d'or cachés qui ont été méticuleusement placés pour former une image. Des images comme une maison, qui représente sûrement un lieu d'entreposage de cocaïne. Ozzy Osbourne, parce que tout le monde sait que dans ce temps-là, il s'en fait vraiment beaucoup de coke. Et même un koala! Je l'ai bien dur sur la cocaïne, évidemment. Je vous le dis, les références à la cocaïne sont partout. Par exemple, dans le premier niveau, tout est relativement lent. Et aussitôt rendu au deuxième niveau, au moment où Bubbles retrouve ses premiers lingots pour payer son fixe, tout devient très rapide. Vous voyez la différence? Et quand on en prend juste un petit peu trop? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Sérieusement, si on regarde bien puis qu'on joue avec les lettres un peu, on voit bien que le jeu à l'origine devait probablement s'intituler Cocaine Land. Mais je le sais, vous allez me dire que cocaine prend un E, même en anglais. Mais je vous apprends rien en disant que dans le temps, les Japonais faisaient plein de fautes d'orthographe dans leur jeu. Intense, hein? Puis plus loin dans le jeu, tout devient plus vite, plus tough, y'a des obstacles partout, les oursins se multiplient, puis dépasser le 20e niveau, non seulement faut trouver les lingots d'or cachés, mais faut qu'ils soient tournés du bon côté, ce qui rend la tâche vraiment plus difficile. Donc c'est ça. J'ai abandonné à partir de ce moment-là parce qu'à force de jouer, je commençais à ressentir les effets secondaires d'une drogue que j'ai jamais consommée. Palpitations, stress, difficulté à ressentir du plaisir, bref. Ouais, donc la raison pourquoi on a tout caché tes lingots d'or, c'est parce que... comment dire? Comment tu sais de dire si on trouve que tu consommes trop? Tu sais, on a voulu t'aider, mais... Je sais pas si tu comprends, là, mais... Je te l'avais dit qu'ils nous écouteraient pas. Normal que la capitale nationale n'ait pas un amphithéâtre. Yes, we can. I have a dream today. Ça fait 15 ans qu'ils ont quitté le Colisée. Il serait temps qu'ils reviennent sur la grande allée. On est un bon marché. Oh, ben plus que Tampa Bay. On le veut, notre club de hockey. Qu'est-ce que ça prend? Pelado avance l'argent. Dieu trouve ça gay. Harper et nous dit qu'on se le tienne pour dit. Je propose que l'aréna et soit construit de nos bras. On gagne, on règle ça un samedi. Oui, les Nordiques, oui, à notre équipe. Même si l'entente n'est pas dans le béton, on veut nos champions. Et si ça fonctionne pas, on quitte le Canada. On amène tous les joueurs d'ici dans notre pays. La Bordelaise, on sait pas où l'accueillir. On sait pas plus ce que ça peut sentir. Mais quand vous le portez, ça vient tous nous chercher. Ça nous inspire, ça nous gonfle de fierté. Oui, la Nordique, oui, à notre équipe. Sherman, la bombe, vous allez y arriver, faut pas nous lâcher. aller chercher la coupe Stanley. Et bon, badaboum, va falloir le mettre bon. Pour ça, pas de trouble, vas-y, tout roule à moto. Pour faire de votre retour un beau grand geste d'amour. On a tous reconnu l'excellente We Are The World qui a été chantée en 1986. C'était pour une cause humanitaire. Ils voulaient amener des fonds en Afrique pour aider à sauver les enfants malades et le peuple qui mourait. Là. Ouais, c'est ça. C'est très apprécié. Mais avant, on a eu c'est Kukluland, c'est Retro Nescapade. T'aimes-tu ça, la pâte à dents à cannelle, toi? Jamais goûté, man, sincèrement. Ouais. C'est bon? Ben, moi, j'aime ça. Tripale. J'aime ça. Ouais. Sinon, ça vient d'où l'idée de faire des capsules web sur le NES? C'est que tu voulais plaire aux filles, mettons? Surtout aux filles. Non, sincèrement, je trouvais qu'il y avait comme beaucoup de capsules anglophones sur YouTube sur les vieux jeux Nintendo et tout le kit, mais je trouvais ça intéressant de le faire en français, en bon québécois. Ben oui. Puis d'apporter une petite touche humoristique. pour essayer d'être drôle un peu. Ben ça, non, mais tu sais, faire quelque chose de différent travail. Un peu. T'sais. C'est léger, puis j'ai aimé ça aussi, les deux petits faits qu'il y a eu à la fin. Là, que moi, je savais même pas que tu pouvais lancer des balles. J'ai tellement joué à ce jeu-là. Il y a des gens qui savaient même pas qu'il fallait que tu fasses un dessin avec les lingots d'or pour passer à l'autre niveau. Même moi, avant de commencer à jouer pour faire ma capsule, j'ai découvert plein d'affaires. Et voilà, Kluklouland et les mystères de Cocaine Land. Mais ça, tu tiens ça d'où? Est-ce que t'as comme un insider de... T'as-tu une source que tu peux pas citer puis qui existe pas puis que tu pourrais inventer là juste pour nous faire plaisir, mettons? Je pourrais. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui t'a dit de l'intérieur qu'effectivement c'était Cocaine Land. Ben, honnêtement, c'est Charret. Il m'avait dit, écoute, fais quelque chose genre pour déconcentrer les Québécois, genre. Il va se passer des affaires vraiment intenses plus tard. Ça a vraiment, vraiment marché. Voyons, on parlait de Retro Nescapade en 1985 puis toi tu nous ramènes Jean Charret. S'ennuyait. Sinon, est-ce que t'as d'autres projets à part jouer au Nintendo puis refaire vivre des personnages que ça faisait du bien de les revoir? Bon, on s'ennuie un peu des fois. C'est le fun aussi que t'es aies fait bouger puis parler puis tout. Là, la petite animation. Ouais. Mais non, c'est sincèrement, j'ai d'autres projets sur YouTube, mais ça, on va passer à d'autres choses. Pourquoi est-ce que tu as choisi YouTube comme diffuseur en premier, mettons? Parce que j'avais un contrat publicité où est-ce que je me fais genre 2,50 par 1000. Oh! Ouais, fait que mes capsules, ils ont à peu près 100 views par capsule, fait que je suis loin du 2,50. Mais c'est cool. C'est un but j'ai espoir, je perds pas. Bon, en tout cas, on espère que les gens vont est-ce que c'est sur Retro Nescapade toutes tes capsules ou est-ce que t'as un canal en particulier qu'il faut aller voir? Ouais, j'ai un canal qu'on appelle en français. Ouais. C'est Le Spam, L-E-S-P-A-M. Faites une petite recherche sur YouTube puis vous allez trouver toutes les autres capsules absurdes que je fais. Là. Bon, ben voilà. Puis, gars, toi, tu continues à passer l'émission avec nous autres? Ouais, je continue à avoir chaud avec vous. Là. Parfait. Puis, on va aller à la chronique de Mathieu Boudreau à partir de ce moment-là. D'habitude, c'est touchant. Yeah, c'est rafraîchissant. Ouais, c'est très rare. C'est comme une daiquiri. On t'a presque pas vu à la caméra, Andy, c'est cool. To the rescue. Mathieu! Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tout va bien, là. Ben, ça a de l'air à ça. Ah, ouais? Fait que cette semaine, j'étais encore à la recherche d'appart, hein. J'ai pas encore trouvé. Fait que j'étais allé m'en visiter un cette semaine. Un vrai 5 chambres, hein, parce que comme je t'ai dit la semaine passée, un 5 chambres, c'est souvent deux salons d'eau puis un garde-robe. Souvent, oui. Souvent ça. Mais là, un vrai 5 chambres à 8 heures le matin. Hein? Fait que. Tout, bonne haleine. À 8 heures, ouais, puis tu sais, moi, je suis habitué à me lever de bonne heure, puis surtout, j'aime vraiment ça. Mais. Déjà, on a seulement vu. Non, mais. il est sincère, le gars, tu sais. Ouais, vas-y. Là, déjà on a seulement vu deux chambres, tu sais, sur cinq, parce que à 8 heures le matin, la plupart des humains, ils dorment encore, hein. Fait que, on pouvait pas rentrer, tu sais. C'est super le fun. Mais le proprio était bizarre aussi, un peu. Il arrêtait pas de dire. Là, c'est pas pour faire des parties, là. Ça me dérange pas, vous êtes étudiant, mais c'est pas pour faire des parties, tu sais. Là, vous allez être 5. Ça me dérange pas, vous êtes étudiant, mais j'en veux pas plus que 10 des personnes dans l'appartement. Là, ça va monter puis descendre tout le temps, là. Ça me dérange pas, vous êtes. Ça t'sais, commence bien. Un appartement, c'est pas pour avoir du fun. Ben non. Et puis, j'espère que t'as pas trop d'amis parce que ça, on va mal s'entendre. Ben là, déjà, on est 5 qui déménagent. On n'a pas le droit d'avoir une personne avec nous autres chaque. Tu sais, c'est 10 maximum. C'est ça. Fait que là, matchez-vous entre vous autres. C'est comme la première version de la loi 70. Mais dans un appart. Ouais, c'est ça. Je pense que lui, ouais, il est visionnaire. Ouais. Puis, fait que, mais c'est dur d'entendre ça, d'avoir une poker face, hein, parce que t'es là, tu c'est ça, tu sais. Fait que, ma coloc, puis moi, il a expliqué, tu sais. On a dit, oui, monsieur, on peut comprendre vos inquiétudes, tu sais, surtout avec tout ce qui se passe ces temps-ci, mais on n'est pas étudiant, tu sais. Sur cinq, il n'y a qu'une personne qui est étudiante, puis on fait jamais de party chez nous. On est plutôt des gens tranquilles, et ce qui n'est pas faux, hein. Mais bon. Ben après, il nous a montré le balcon. Puis là, il a dit là, je veux pas d'allégeance politique, là, de carré rouge chez balcon, là. Ah, ben tabarnak. Tu sais, c'est pas fait de faire des parties, un appartement. Je le sais, vous êtes étudiant, mais c'est pas grave, les parties. Ok, t'as comme pogné un serpent. J'ai pogné un serpent. Ouais, ouais. Un Ouroboros, qui appelle ça. Ouais. il se mangeait à la queue en esti. Le chanceux. Tu sais, c'est exactement là, à ce moment-là, sur le balcon, que j'ai compris que même s'il nous avait donné une feuille à remplir pour l'enquête de crédit, puis qu'il nous avait dit à lundi, on l'aura pas, ce logement-là. Là. C'est évident. Tu sais, il était poli. Hein? Je veux dire, il a enchaîné les clichés et les incohérences. Hein? Les préjugés. Moi, j'avais plein. Les préjugés, tu sais, tout ça. Moi, j'avais plein de questions quand je suis sorti de là. Tu sais, pourquoi on passerait notre temps à faire le party? Hein? Je veux savoir, c'est une question légitime. Depuis quand le propriétaire décide de combien de personnes peut contenir l'appart? Ouais, ça. Et surtout, ça veut dire quoi? C'est pas pour avoir du fun, un logement. Ah, il disait ça pour vrai? C'était pas toi qui rajoutait? Non, il a dit non, c'est pas une joke. C'est ça qui est le pire. Il a vraiment dit que c'est pas pour avoir du fun, un appartement. Ça va être écrit dans le bail, tu penses, la personne qui va le dire? Interdiction d'avoir du plaisir. On peut vous expulser si le plaisir dépasse, mettons, 14. Ça, j'entends du monde rire. Ben oui, ben, nous autres, à la maison, on a du funzir, qui est un mélange 50-50 de fun puis de plaisir. Okay. Ça s'appelle le funzir, puis c'est super précis, puis ça prend une certaine maîtrise du plaisir puis du fun. C'est clair. Parce qu'on sait que plaisir, c'est plaisant. Ça, il n'a jamais parlé de ça, le gars. Jamais, mais lui, je pense pas qu'il connaisse l'échelle de. Non. Funzir. Moi, j'ai poké face. Je vous jure, monsieur. Monsieur. De manière, je jaillis tout le monde. Et voilà, hein. C'est pas un carré rouge qui va me faire peur. Bon. Là, j'étais écœuré. Moi, pourquoi il a peur de moi? Puis surtout, pourquoi il est bloqué sur étudiant? Il va le peut-être, mais comme je t'ai dit, on n'est pas étudiant! On n'est juste pas étudiant! Mais tu me calissais à paix que tes pas étudiant, tabarnak! Ben, les cheveux pas mal longs pour un adulte. Ben, c'est ça, je me disais. Ouais. Là, je me suis demandé, hein, j'étais désarçonné. Je suis sorti de là, je suis désarçonné. J'ai même pas fumé ma top, je l'ai mangé. Là, je me suis demandé que ferait Laurent Proulx dans une Exactement. Telle situation. Hein? Wow. Ben, à ma grande surprise, injonction de nature économique, il se serait défendu tout seul, il aurait gagné, puis il serait devenu porte-parole pour la trisomie 21. Puis il aurait pris un autre appart. Ouais. Après avoir gagné celle-là. Un mois plus tard, il aurait lâché ses petits mongols puis annulé son bail parce qu'il se serait rendu compte qu'un appartement à Montréal, c'est peut-être une dépense de trop vu qu'il habite chez ses parents à Drummondville, tu sais. Oh, non, mais il va aller à l'Université Laval, lui, à Québec, tu sais. En char, sûrement, j'imagine, tu sais. Ben, j'imagine, non, j'imagine, tu sais. Drummondville, Québec, ça doit pas laisser ben d'argent pour prendre des drinks à Montréal, ça. Ben, en tout cas, ça comme ça. Puis un char, à un moment donné, c'est peut-être le char de ses parents, je le sais pas. Anyway, là, je le juge, tu sais, puis il mérite pas autant d'attention, hein. Bon, ok, je vais le juger encore un peu. Il y a un autre paragraphe dessus, l'enfant de poète. Bon. En tout cas, Laurent, pour moi, t'es la plus belle preuve de la présomption d'innocence. Parce qu'il faut être innocent en esti pour faire ce que t'as fait. Yes. En même temps, tu nous as démontré avec brio que t'es irresponsable, égocentrique, que t'es prêt à tout pour ta seule réussite personnelle, donc que t'es achetable, pis un sale larbin assoiffé de capital. Toi, si on te promet. F1 aussi. C'est plate, la F1. Ouais, oui, c'est vraiment dolle, la F1. Ben, ça, c'est encore là, hein. Tous les goûts sont dans la nature, mais ouais. Certains sont plus perdus que d'autres. C'est vérifiable. Absolument. Oui. Sur Laurent! Laurent, toi, si on te promet 1000 vierges, avoue qu'il y a pas mal de chances que t'exploses. Tu ferais un excellent polypticien, une belle carcasse vide à remplir. Bravo, Laurent. Quoi? Tu veux devenir avocat? Ben, le fruit est mûr. Hein? On devrait le manger tout de suite. Hein, avant qu'ils pourrissent. Bon, en fait, moi je veux pas te goûter, là, parce que je te toucherais même pas avec un bâton rempli de sida. J'aurais ben trop peur que tu me douches baguise. En passant, douchebag, hein, selon Wikipédia, hein, qui est le grand maître de la connaissance, ça veut dire idiot. Puis, on dit ça à l'égard d'une personne qui aime s'écouter parler. Mm. Laurent, tu voulais pas être avocat, t'as dit tantôt? En tout cas, moi, je te mangerai pas, OK? Moi, je te mangerai pas, Laurent, mais à Miami, ça a l'air qu'il y a du monde qui aime ça bouffer les autres, fait que... Je suis prêt à te payer un billet d'autobus. Tu sais, à cette heure, moi, je travaille, puis je fais de l'argent en masse pour mes besoins. Je te paye un aller simple billet d'autobus pour Miami. Tu sais, moi, quand il s'agit du bien commun, je ne regarde pas à la dépense. Hein? Pas peur de faire ta juste part, ça, c'est exactement beau. Ça. Ma juste part est, ouais, pas mal. À la Laurent Brou, là. À la Laurent Brou. Oh, ouais. Fait que, bon, puis en terminant, hein, bon, je vais juste parler de Laurent, il m'énerve un peu. Cool. Cette semaine, en allant travailler, je me suis fait observer dans le métro. Mais en fait, observer, c'est pas vraiment le bon mot, là, je dirais surveiller, peut-être contrôler. OK. T'sais. Profiler, en fait, c'est ça. Le mot que je cherchais, c'est profiler. Tu sais, j'étais habillé comme d'habitude, hein, une petite veste noire, des jeans, puis j'avais un sac à dos. Un sac à dos rempli de potentiellement de longs, potentialité assez fumigène. Nucléaire. Fait que, ouais, du fumigène. D'ailleurs, il n'aurait pas fallu qu'il y ait une poche, il aurait trouvé à peu près 3,5 grammes. Mais bon, c'est un autre affaire. Ce qui m'a sauvé, c'est que je ne porte pas le carré rouge. Okay? Oui, ça aide beaucoup à ça, pas se faire arrêter. Ça, c'est le nouveau symbole de peur, de rébellion et d'intimidation par excellence, là, tu sais. Fait qu'en voyant les deux belles équipes de deux policiers tout le long de mon chemin, je me suis dit, la politique chie, il y a de la police partout. C'est-tu ça un état policier, tu sais? Je pense que oui. Ouais, on s'en approche lentement. Bon, là, je peux pas rester, hein, c'est fini. Non, parce que j'ai une visite d'appart à 8h. Ah. C'est pas une joke, je visite vraiment des apparts en fou. Sérieux, c'était un propriétaire d'appart, là, vraiment, là. Je suis quelqu'un de très, très, très correct dans la vie, tu sais. En avant d'une caméra, c'est sûr que j'ai l'air un peu, là. Hein? Moi, j'ai loué le mien, c'est ça? Trouver une maison pour Mathieu. Bon, fait que c'est ça. J'espère deux choses, hein. 5 vraies chambres, puis un proprio sérieux, pas un esti de peureux. Ben voilà. Ben, on te le souhaite. Ben merci. Ça devrait être écrit dans une convention à quelque part, Mathieu, là-dessus. Ouais, ouais. On t'invite à aller checker ton appart, puis souhaiter bonne chance. On va écouter nous autres un clip qui vient de Le Point de la Justice. Là, ils vont faire aïe, aïe, aïe. Puis on va revenir avec Étienne, ça va être super pertinent pour les vertus. Toujours pertinent avec Étienne. À 70%. Oui, d'accord, oui, mais je suis en retard. Je peux toujours revenir, vous savez. C'est pas... Non, vous êtes tout à fait à l'heure, Sam. Vous pouvez vous détendre, messieurs. Celui-ci est offert par la maison. Nick, pourquoi t'arrêtes pas ce carnage? Ouais. À mon avis, ce type... Ça y est, mec, on arrête. Lève-toi, mec! Ok. Pas mal, ça. T'as remarqué, hein? Ouais, c'est bon. Aucun des poilus avait du poil. C'est vrai, hein? C'était beau. Ils sont musclés. Tu peux pas être musclé et être poilu, c'est un ou l'autre. Tu choisis un autre dommage. Et voilà. Parle-moi de vertu, là. Le poil, ouais. Est-ce que c'est une vertu? Je pense que non. Non. Il y a quelqu'un sur le chat. Je lance ça comme ça à l'infini. Oh! Univers infini. Sinon, bon, ben, des vertus, écoute, il y en a d'autres. En fait, la félicité. Mm. Hein? Ça, c'est une vertu dont on parle souvent. Être félicité. Pas dans le sens de félicitation. Pour la félicité, mais c'est plus comme le grand bonheur. Mm-hmm. C'est comme la béatitude d'un genre. C'est comme, mettons, un autiste qui regarde la fenêtre. D'une affaire qui tourne. Ouais, ouais, ouais. Toupie, mettons. Ok, c'est bon. On sait les autres qui nous écoutent. Ouais! On va vous. Ouais! Ça s'appelle la félicité. La félicité. Bon, on va prendre un peu plus pour le moment. Prenez des notes. Définition. C'est une autre façon de. C'est en 70, fait que ça se peut. Les deux. Bon, c'était Nada. Nada qui chantait ça, la félicité. Tellement d'affaires. Ouais, ouais. C'est un chacun grand bonheur mettre, qu'elle veut donner. Là, c'est... Chacun peut y mettre ce qu'il veut. Hein? Ouais, ouais, vraiment. C'est bon, ça qui est beau de la félicité. Ouais, c'est la vertu la plus adaptable. Oui, c'est ça. C'est comme un placeholder de vertu. Elle a eu barba vertu. C'est le probablement de la vertu. Voilà, c'est toute la potentialité qui est là. Sinon, une autre vertu, écoute, qu'on entend souvent parler, c'est la sérénité. Hein? Justement, on en parlait tantôt du gars avec son char qui s'appelait Sérénité. Sérénité, ben oui. Il y a Clermont Maltais qui a chanté cette chanson-là, entre autres. Il y a plein d'autres mondes qui l'ont faite, mais Clermont Maltais est vraiment bonne, sa version. Je vais vous passer ça à l'instant. C'est pas avec l'écho. Là, vous allez reconnaître le texte habituel. Oui, ma chère, je savais que l'on s'aimait, mais tu sentais mauvais. Pas tout à fait. Si dans ta vie, du trémolo. Sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. C'est comme un Fernand Gignac wannabe. Je sais pas, hein. Ça fait penser à Normand Lamour un peu, mais il va plus grand. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Gignac, ça. Toi, c'est Gignac, ça. C'est en fait. C'est génial! C'est clairement maltais, mais ouais, ça ressemble à Gignac. Mais le Québec est trop petit pour deux Fernand Gignac. Ben, il est mort. Il est mort, fait que là, on peut prendre sa place. Ouais, c'est ça. Il n'a plus d'en avoir qu'un seul. Il a poigné tous ses pouvoirs. Le ben, Gédéon est mort, c'est moi qui prends sa place. C'est, j'espère que ça va jamais finir. C'est probablement pas, je pense. On peut louper, au pire. C'est marqué ici, durée infinie. Ah, bon. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on va voir le temps. Sûrement qu'à la base, il... Une musique perpétuelle. Aïe, ouais. Man, c'est quelque chose, hein? Mais là-dessus, là, on a démotivation. On a parlé un peu par-dessus, mais en gros, c'était le texte là, de la prière des alcooliques. Là, donne-moi la sérénité de voir la différence entre qu'est-ce que je peux changer puis je peux pas, puis blablabla. Ouais, ouais. Mais sur une toune plate qui donne le goût de se saouler. Fait que c'est vraiment bravo. Merci, Clermont. Ouais, je comprends. C'est comme de vendre du laxatif puis du papier de toilette. Là. Ouais, ben c'est ça. Ou encourager la grève étudiante puis demander une augmentation de 20% pour les profs, genre. C'est à toi que je parle, CSN. Bon, on va y aller maintenant avec... parlant de ça, hein? Est-ce que tu viens d'utiliser ta vertu de la franchise. De la sincérité. C'est le nom que j'aimerais nous donner, syndicat, dont je paye cher les services. C'est quelle ta vertu préférée, toi, Jean-François? À date? Ben, dans la vie, dans la vie, comme dans tu veux. C'est pas une question, hein, je sais pas. Moi, c'est mon pénis. Ouais, ta vertu? Ah ouais. Ah, c'est sûr. Pas payé. Est-ce que tu la félicites, ta vertu? Non, non, non, je la prends pour acquis un peu. Ouais, effectivement. Mais on se parle. Mais il a partage. Oh, ouais. Ah oui, il a dissémine. Sinon, on a Michel Farinet ici. Qui... Oh! Yeah! Oh! Ouais, ça, c'est Normand Lamour. Oh! Normand Lamour français, mais qui improvise pas ses textes. Lui, nous chante ici « Milite pour un monde plus éthique ». Alors, hein, c'est tellement approprié dans nos circonstances. Pourtant, il a écrit ça en 2000 sur le magnifique album MF 2002. Donc, c'était le troisième qu'il faisait en 2000. Donc, voilà, on écoute ça. Ça me donne envie d'être en couple, ça. On rappelle que c'est un escalier qui compose ses musiques. Oui, effectivement. Voilà. Michel Farinet, ses textes, des fois, sont pas si pires si on les lit, mais sont vraiment pas faits pour être chantés. Et il nous le prouve à chaque chanson. Oui, oui. Il paraît qu'il voulait faire des tours pour Patricia Cass et ouais. Le monde avec des noms. Ils en ont pas voulu. Non, parce qu'ils en ont. Il les a fait lui-même. Il est rendu à quoi? Hey, il y a le symbole de l'euro sur son album MF 2002. Oui, parce que c'est sur cet album-là qu'il y a la grande marge de l'euro. Juste un petit peu la marge de l'euro. L'euro? C'est vertu, okay. L'argent. Oui, l'argent, OK. Oui, oui, c'est pas très rendu une vertu. OK, j'ai trouvé ça. La marge de l'euro. Ben, t'as le choix entre la belle marge de l'euro ou l'euro, notre monnaie à tous. Ah, l'euro, notre monnaie. C'est, ouais, je pense que c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Bon choix. Demande spéciale de Tommy Gollet. Tu tombes nos vertus. C'est bon. Plusieurs pays réunis, bien définis. Ça, c'est la première des quatre tunes sur l'euro que me chante. Ça l'a beaucoup inspiré. Ouais, il est génial, le gars. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, vas-y, mets-en une autre, puis après ça, on va parler du film. OK, ben, je vais y aller avec une que j'aime bien. Jean Savard. Jean Savard, c'est lui qui faisait les changements climatiques. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, ouais, ouais, ça, c'est tout récent, c'est cette année. Il avait mis ça sur YouTube, les changements climatiques, puis il l'a enlevé super vite. Mais son album est encore en vente sur iTunes, puis moi, je l'ai acheté, et c'est excellent du début à la fin. Il faut aller le chercher. Ah, une dynamite. Ah oui, c'est du gros dance là, incroyable, avec une superbe voix qui chante des affaires improbables. Ah ouais, pays plein, on est prêt. Puis là, j'ai la chanson Paix intérieure. Oh. Paix intérieure, cette chanson-là, c'est une chanson un peu sur les choix qu'on fait dans notre vie. Puis qu'il faut faire les bons choix pour devenir la bonne personne. C'est ça qui est. Tabarnak, c'est donc bien vrai, ça. Oui, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est vrai, fait que je passe ça. Fait que sinon, donc, tu fais les mauvais choix, tu deviens la mauvaise personne. Exact. Faut pas. Faut pas faire ça. Oh. Mais lui, il juge pas là-dedans. Il te laisse le... T'as le choix, t'sais. On écoute. Travaillant ou fainéant. Travail ou être social. Décision. À chaque fois, il dit ça. Décision. Il demande plus fort. On est dans l'espace! On est dans l'espace. Wouh! Paix intérieure. J'ai même pas de belles valeurs. On a même pas la même gravité tout. Hey Dieu, à un moment donné, tu partiras l'extrait du film, le premier que je t'ai donné. Yes! Tu peux. Alors, il y a vraiment la même range de voix que Jacques Villeneuve. Hein? Ouais, c'est ça. Bonne personne ou escroc? Décision. Décision. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que le premier, c'est que tu as le choix entre travaillant ou fainéant. Puis tout de suite après, il nous explique que tu dois faire ton choix entre travail ou aide sociale. Ouais, j'aime beaucoup le message. Fait que être fainéant, c'est l'aide sociale. Fainéant, c'est l'aide sociale. Merci, Jean Savard. Il y a Bruno compris. Là-bas! Ah, salut, oui. Bruno! Bruno Corbin, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, je suis pas dit, t'es en train d'être cool. Oui, comme toujours. Ben, oui. Voilà. Fait que Jean Savard, c'est ça. Allez acheter son disque, c'est vraiment la peine. S'en va. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. À chaque fois, ça fait spécial à quelque part. T'sais. Tout le temps, à une place différente. Passe à Dieu quand tu veux, là, l'extrait du film. C'est Les Trois Mousquetaires de 2011. C'est un film qui a été réalisé par Cole McKay en 2011. Fuck. Excellent. Oh, c'est full récent. Ouais, la bombe, du conséquent, du dérangeant même. On est à moins 7, certains. La première chose qui m'est venue à l'esprit en écoutant ça, c'est un sourire léger qui m'a quitté à la toute fin du film. Vous allez voir la séquence initiale de mise en valeur qu'on vient d'écouter. Elle est savoureuse à souhait. On y sent immédiatement en pointe ce qui va nous faire sourire tout le long du film. Les noms des héros. Alexandre Dumas a jadis créé des héros singuliers capables de vaincre le temps en tellement de réadaptations. Et on est ici devant une façon unique de revoir le concept. Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires dans le passé de ce monde-là, dans le passé du monde du film, parce que les gens disent que quand ils rentrent dans Les Trois Mousquetaires, ils prennent le nom de famille d'un des mousquetaires. Comme okay. Là, on a Isaac Athos et puis Terry Aramis, mettons. Mais là, il rencontre une fille qui est championne olympique d'escrime et qui se nomme D'Artagnan. Oui. Et personne fait de commentaire. C'est pas genre, hein, tu parles d'un hasard. Incroyable. Ben non, personne, même, personne. Et puis, ben, on va noter dans la même ligne de pensée qu'il y a comme pas rapport qu'il y a le méchant qui se fait appeler le cardinal et le président méchant à tuer qui s'appelle le président King. King, traduit en français, qui veut dire « Mords-moi la place spéciale ». Donc, si on refait à l'américain un classique français, il faut se rendre à l'évidence, ça a déjà été fait et c'est une manière éprouvée de débuter sur des très mauvaises notes. Jérémy Portos, Jérémy, même. Thierry Aramis, Isaac Athos et Alexandra D'Artagnan, ça n'a aucun bon sens de lire ça, man. En une remouture toute américaine de notre quatuor préféré d'avant les Beatles, il va y avoir de gros changements à apporter pour faire que la réadaptation américaine respecte les standards, on va dire. Dehors l'éloquence en longueur de notre quand publié dans un hebdomadaire et payé à la ligne. En tout cas, oubliez ça, ça sert à rien. Et à quoi bon la subtilité des échanges interpersonnels quand il existe des stéréotypes prêts à servir, efficaces et universels, basés sur la race, l'accent et les boules? Pourquoi, tiens? Hein? On réinventera pas la roue, là. Et voilà. On va adorer la séquence de Continuer sans moi à 60 minutes. Ça, je pense que c'est le deuxième extrait. Dieu, si tu peux nous mettre ça. C'est une des plus belles séquences de Continuer sans moi de toute l'histoire. Le... Et c'est pas peu dire. L'épaisserie de 20 secondes. Sinon, je décrirai l'autre parce qu'il y a pas mal d'épaisseries de 20 secondes, là, mais on va se sauver dans une épaisserie. C'est le P2 OG, agent D'Artagnan. Programme proactif d'opération groupée. Provoquer l'attaque ennemie pour justifier la contre-attaque. Il n'y a pas de théorie du coup. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde nous dit ça? Vous... Regardez ça, vous voyez, c'est le Père Noël. Eh bien, sachez que le Père Noël n'existe pas. Par contre, le P2OG existe. Je sais que vous me prenez pour un... Il y a tout le temps ça sur Est-ce lui, que là. Tout le monde a bien compris la profondeur de l'argumentation du monsieur? Il a il y avait une fucking photo du Père Noël dans la poche pour appuyer son dire. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la diégèse du film, c'est que ça, c'est le scientifique qui a fait l'affaire qui perd le contrôle. Tu sais, on sent en crise un petit peu. Non, mais je reviens à... C'est à mon tour, le Dieu. Donc, la séquence, sinon, je peux la décrire assez facilement. Les séquences de Continuer sans moi... Les séquences de Continuer sans moi, c'est quand tu te fais tirer, puis là tu dis hey, Continuer sans moi, puis là sacrifie pour que ça sauve plus vite. Exactement. Là, dans ça, tu sais, le gars il court, tu sais, là à un moment donné, ah, là, il tombe à terre, puis là il fait Continuer sans moi. Puis là l'autre il fait non, je peux pas conduire sans toi à mon hélicoptère. Puis là, c'est là il monte, là, puis là il ramène, tu sais, là il se rend jusqu'à l'hélicoptère, puis là dans l'hélicoptère il décolle, puis tout va bien, puis là la fille elle arrive, elle dit, là lui fait ah, puis là la fille elle dit attends un peu, je vais te régler ça. Puis là, elle prend des gouttes pour les yeux. Puis là, il en met deux. Puis là, le gars, il fait « Ah! D'accord, merci! » Puis il est prêt à se... Ouais, tabarnak! Continue sans moi, j'ai les yeux secs. Peux-tu me cracher dans les yeux? C'est la saison des foins, continue sans moi, les gars. Et voilà. Superbe. Donc, sinon, portez une attention particulière à combien négliger votre intelligence et mise à l'écart votre imagination. Oui, ce soir, même si c'est de 2011, il faut rester conséquent à notre propos visant à éduquer les gens en matière de gaspillage culturel. Il faut écouter d'un œil critique le plus américanisé, plein d'hélicoptères et de ralentis qui explosent façon James Bond inférieur des moutures de Trois Mousquetaires ever. Et le Père Noël. Je l'ai dit. Mets le dernier extrait, puis après ça, on va aller avec des hosties de chat, du coup. Bonjour, Aramis. Ne parle que si ça approfondit le silence. Il n'y a même pas un ordinateur dans cette forêt. T'as remarqué? Maintenant, partez avant d'abîmer sérieusement mon karma. C'est pour un échange? Je te présente... Je suis l'agent D'Artagnan. Un agent. Super. J'espère que c'est pas un piège. C'est elle qui a été piégée par un vieil ami. Tu le connais, le cardinal. Ça lui ressemble, en effet. Le cardinal n'a pas suivi les règles. Mais ça ne ramènera pas les autres. Et ça se prétend mousquetaire ? Les vrais mousquetaires n'étaient pas seulement les meilleurs. Ils étaient prêts à mourir pour le bien. Le vrai Aramis nous aurait aidés. Vous avez le même nom, mais... c'est à peu près tout. Beau discours pour quelqu'un qui s'est enfui au premier danger. Je ne me suis pas enfui. Comment ça s'appelle, alors ? Oh, tout doux, mesdames. Tais-toi, va plutôt chercher de la boue. Trois. On fait quoi, là? Et... Aramis, ça suffit! L'utilisation les moins efficaces alors, de tous les temps. Alors, toi la première. Toi la première! Ah, fuck that, parle les... Qui fait beau dans le métro. Oui. Danser pour les chats? Avec les chats. Pour vous, mesdames? Dans les chats. Dansons. Sur les chats. Dans ton chat. Chatons les danses. Ouais, je vais donc commencer avec Wiki. On l'avait déjà rencontré, Wiki. Wikipédia. Check pas les écrans, check pas les écrans. Afin de démontrer comment les chats perçoivent la dépression humaine et tentent instinctivement de l'annuler. Non. Aria, c'est la deuxième fois que je fuck son nom. Ou je peux y aller comme... Arija construit délibérément un fort champ négatif autour d'elle. Hein? Oh ouais, regarde. Avec des Hadron Neutron Ben, est habillé genre gothique. Hein. OK, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, les chats ressentent le gothique. Elle aime ça s'habiller de même, fait que c'est gothique, fait que c'est un champ d'énergie. Et voilà. Elle réalise cela en s'habillant de façon macabre, en mettant de la musique monotone et en se concentrant sur des pensées sinistres pendant qu'elle danse. Lorsque la négativité a atteint une certaine intensité, Wiki réplique par un bond extraordinairement haut qui amène son aura crânienne en contact avec celle de Daria et inverse le flux. Oh! Ça y est, le flurant. Aria croit que les chats étaient utilisés ainsi à l'époque médiévale pour soigner différentes formes de maladies mentales. Ah, ouais. Oui, oui, et par les sorcières. Mais si jamais ça marche, elle va arrêter de croire ça, puis ça va être prouvé. J'imagine. Son opinion trouve un écho chez la psycho... Oh, shit. OK, on s'en va, on fait du name-dropping. Son opinion trouve un écho chez la psycho-historienne Catherine Golan. Ah, voilà. Qui fait remarquer que certaines femmes étaient connues pour danser avec les chats afin de construire des états énergétiques et influencer positivement divers processus psychiques. Ah, si, come on de tabarnak. À cause de leur don magique apparent, dit-elle, ces femmes étaient considérées comme de méchantes sorcières. Et leurs chats et elles étaient persécutés par l'Église, car leurs actions défiaient sa prétention d'être le seul corps capable d'accomplir des miracles. Évidemment. Voyons ça, donc. C'est bien l'Église, ça. Ouais, ouais. Hein. Garder le monopole, c'est miracle. C'était Wiki. Ça a été court, hein? Ah, ça, non, merci. Ça s'est bien passé. Il y avait des gros mots dedans. On s'en va vers Toby. Toby. Comme le chien, comme là. Le chien qui a fait 8 films. Ouais, dites-moi où il est écrit dans le livre des règlements qu'un chien ne peut pas jouer au volley-ball. En effet, laissons-le jouer. L'effet physique que le chat de Toby a sur son jeune maître fait penser à un transfert instantané d'énergie. Quand Toby se frotte contre mes jambes, raconte Toby, ça me fait des picotements partout et je me sens bien dans mon ventre. Ça me donne envie de sauter. Oh. En fait, Toffy semble inviter Toby à danser en accomplissant des bonds et des pirouettes incroyables tout autour de lui. C'est un vrai comédien, dit la mère de Toby. Il est capable de marcher bizarrement, les pattes raides, puis de s'arrêter pour regarder Toby, presque comme s'il attendait qu'il rie. Leur danse démarre souvent comme ça. Toby et moi, nous rions aux mêmes choses. Hey, je l'ai faite la semaine passée. C'est vraiment beau, ça. On continue. C'est pas grave, il est tellement beau. Oh, il est beau que Toby. Moi, je l'ai pas entendu en plus. Ouais, c'est pas grave. Non, moi, j'écoute. C'est pas vrai, les madames écoutent, c'est pour vous que je fais ça. Ouais. Moi, je t'écoute, Andy. Je sais. Tous les mouvements et gestes de Toby et Tofi sont remarquablement synchrones. La mère de Toby dit que leurs danses sont trop parfaites pour que l'un copie l'autre. Ils ne se regardent même pas quand ils sautent ça et là. Et même s'ils se regardaient, il n'y aurait tout simplement pas assez de temps. Ils bougent trop vite atteindre ce degré de coordination. Ah ouais. Son père est d'accord. Parfois, on jurait que c'est répété, mais c'est pas le cas. C'est une séance complètement différente à chaque fois. Hein, Julie? Hein? C'est comme il dit. Ma mère dit que Tofi et moi, nous devons penser pareil pour être capables de danser comme on le fait. Mais je ne sais pas ce que Tofi pense, dit Toby. Je sais que nous rions aux mêmes choses, et je sais qu'il n'a pas d'autre attrait que la danse, et que ça le fatigue tellement qu'il doit dormir toute la journée. Ouais. Et je sais qu'il m'aime. Wow. Ok, c'est assez. Hein, ah, assez de chat. Tommy, elle parle le gyromite, l'autre. Merci Andy, hein, c'est pas de ta faute. C'est toujours un plaisir. Non, ouais. C'est de ma faute, je pense, finalement. Ouais. C'est des conséquences de tes actes. Ouais, c'est parle le clip de notre ami J.F. Dicker. On va écouter Gyromite de 1985, les belles années. Dans ce temps-là, je faisais quoi? Je passais l'Halloween, moi. Le modèle Lilliput et la vague de robots jouets vu le jour depuis. En 1977, le film Star Wars met en valeur les robots tels que C-3PO et R2-D2 qui sont devenus des jouets très populaires l'année suivante. C'est surtout les années 80 qui ont marqué un renouveau des jouets robots grâce à la vague des animés provenant principalement du Japon, comme Astro le petit robot, Goldorak, j'en passe. C'est en 1985, autre que les Transformers, Tommy et Miglio. Et Miglio? Bref, il y a eu Rob, Robotic Operating Buddy, le robot de Nintendo qui venait avec le set de luxe qui incluait Gyromite, un des deux seuls jeux qu'il jouait avec. Développé et édité par Nintendo, Rob était conçu pour convaincre les distributeurs à vendre la NES vu que l'industrie de jeux vidéo était considérée morte. Sans la connexion aux jouets, les magasins n'auraient pas acheté une autre console de jeu qui allait pas se vendre. Tu le sais que ça part bien quand le nom de jeu à l'écran n'est même pas le même que sur la boîte. Je me demande combien de gens ont tourné le jeu en pensant que c'est un défaut. Aujourd'hui, on sait tous que c'est comme ça que le jeu s'intitulait au Japon. Bon, ici on a plusieurs options comme Test pour tester Rob ou Direct pour le faire bouger rien que pour le fun. Passons au premier mode de jeu. Alors, on contrôle Dr. Hector qui doit aller chercher les dynamites avant que le temps s'écoule. Toutefois, il y a des barrages de couleurs bleues et rouges qui bloquent le passage. Pour les faire bouger, on a besoin de Rob ou une deuxième manette que j'ai malheureusement pas. Mais heureusement, je suis allé voir mon ami Giz qui a pu me dépanner. Ah, oh, pis c'est quand j'ai remarqué son t-shirt, je lui ai dit « Oh wow, Giz, t'as donc un beau chandail, où est-ce que je pourrais m'en procurer un? » Il a dit « Ah ben c'est bizarre que tu m'en parles parce que tu peux justement t'en procurer un au tous www.gizdp.com ou en cliquant sur le lien ci-dessus, sous... » Puis après, il m'a dit « Ah ben ça tombe bien, JF, j'en ai justement un pour toi ici. » Puis il m'en a vendu un pour 18 piastres. Heureux suis-je. Donc maintenant que le robot est en place, on peut appuyer sur Select pour entrer une commande à Rob vu que j'ai besoin d'ouvrir la porte bleue. Il faut prendre un gyros et le déposer au bon endroit. C'est crissement long. Pour rendre la tâche plus complexe, il y a même des petits dinosaures qu'on appelle des Smicks qui sont là pour te compliquer la vie. Mais si tu leur donnes un radis, tu pourras passer sans souci. Sérieusement, les Japonais semblaient vouloir nous encourager à manger des fruits et des légumes parce qu'on en retrouve souvent dans les jeux NES. Pour plus de points, on peut s'amuser à écraser les Smicks avec les portes. C'est beaucoup plus simple à faire avec une deuxième manette. Puis quand on a ramassé toutes les dynamites, on passe à la prochaine phase. Thank you. C'est bien con, ça. Quand on joue à deux joueurs, ça joue pas mal de la même façon. On joue à tour de rôle et le deuxième joueur contrôle Dr. Vector qui est roux. En gros, il y a 40 phases à compléter et lorsque c'est fait, on recommence au premier niveau avec les Smix qui bougent juste un peu plus rapidement. Donc sans plus tarder, allons essayer l'autre mode en utilisant Rob. Dans ce mode, Dr. Hector est somnambule et on doit ouvrir les portes de couleurs pour qu'il puisse se rendre de l'autre côté. Encore une fois, c'est très long quand on joue avec Rob. On pourrait faire comme en VGN et se concocter une manette spécifiquement pour le jeu, mais c'est pas très beau. Bref, il y a 25 niveaux disponibles dans ce mode et je n'ai malheureusement pas envie de les faire, alors je rentre chez moi avec mon nouveau chandail. Oui! Vector, j'ai besoin de ton aide pour trouver l'assassin que l'on recherche. C'est lui, Dr. Hector. Pour la troisième fois, Dr. Light, moi c'est Dr. Vector, lui c'est Dr. Hector. Oui, Dr. Brown, je suis au courant. J'ai fabriqué un appareil qui m'indique que la prochaine victime se trouvera dans un terrain d'entraînement au Camp Perry. Marty, prépare la DeLorean, on quitte immédiatement. Quelqu'un me cherche? Mario, fous le camp! T'es un plombier, pas un docteur! Vous pouvez cliquer sur une des pochettes ci bas pour voir une autre capsule de Rétronescapade. Il voyage dans le temps? Okay, moi, je pense que je parlerais de ça en premier pour impressionner les filles. Moi, je voyage dans le temps. Ah ben, merci d'être passé nous montrer ces affaires-là. Je pense qu'on va essayer de travailler pour, sur une rétrospective, là, faire une heure Jean-François Dicker à un moment donné là, avec cool, en rafale. Là, ouais, ouais. C'est bon. Il dit que je suis en train d'y tordre le bras. Là, OK, ouais, bon, c'est ça que je le voyage. Sinon, mettons, quelle question t'aurais aimé ça que Bruno te pose? Bruno? C'est qui, Bruno? Ah, Bruno, c'est Bruno. Ah, salut, Bruno. Moi, c'est Jeff. Hey, salut, Jeff. Moi, c'est Bruno. Salut, Bruno. Hein? Bruno. Que, quelle question t'aurais aimé ça que je te pose? C'était ça. C'est toi, Bruno? C'est question. Ah, je pensais que c'était quelle question c'est que t'aurais aimé que je te pose. Ça passe en esti à TV. Hey, là-dessus, Étienne, t'avais-tu fini tes aventures, toi? Ben, je peux en mettre une dernière pour poser là-dessus. Pendant qu'ils font connaissance. Ben oui, on va laisser se parler tranquillement. Rien gagné sur mon gratteux, moi. Rien. Non? Rien. Ça, je suis déçu. Rien, Étienne. Arrête d'en parler. OK, c'est bon. Calice. Joël Denis, il a fait une chanson qui s'appelle « Respecte donc l'opinion de ton voisin ». Parce que le respect aussi, c'est une vertu importante. Je pensais à Laurent Proulx. Oui, tu vois. Et voilà. Et Jacques Villeneuve. Donc, je passe ça ici, de ce pas. Oups, attention, là-bas. C'est sur l'air d'une toune de Noël. T'as peut-être raison, mais ce n'est pas certain. Je sais pas. Respecte donc l'opinion de ton voisin. T'as peut-être raison, mais ce n'est pas certain. Respecte-donc l'opinion de ton voisin. Respecte-donc l'opinion de ton voisin. Sauf si c'est ton cas. Ben, merci Andy, merci à Fred, merci aux amis dehors. J'ai gagné 4 piastres d'un gratte. Yeah! As-tu des projets de voyage, des rénovations? Bon, on s'en va au brouhaha, écoutez le film. Là. Merci à Étienne, à Bruno, à Jean-François Dicker. C'est, redis le site, Le Pen? Le Pen, là? Non, c'est Le Spam. Ouais, L-E-S-P-4-N. SP4, ok, c'est ça, le c'est 4, un 4 à la place d'un A. Ouais, juste pour fourrer les gens. Est-ce que le monde est bizarre dans le monde, tu sais, c'est la planète, tout, genre... On l'a écouté les trois mousquetaires. Faites attention à vous autres, il y a des escaliers partout. Remets la toune du voisin. Hein. Ah ouais, c'était 70%. On a pris la toune. Un mouton, pourquoi ça se tend? Un dindon, pourquoi c'est con? Un petit mousse, pourquoi ça tousse? Un petit plein, pourquoi ça meurt? Un pétard, pourquoi ça part? Un petit câlin, pourquoi ça pleure? Un amant, pourquoi c'est un chalin? Un gros nez, pourquoi c'est bloqué? T'as peut-être raison, mais ce n'est pas certain. Respecte donc l'opinion de ton voisin. T'as peut-être raison, mais ce n'est pas certain. This product is designed to clean your video and audio heads in order to provide optimum VCR performance. Please continue playing this tape for the complete duration of the cleaning cycle. ramène la fille pour le général. Elle est juste là. Jette un œil. Même pas en rêve. Quoi? Vraiment? T'as pas de fringues de rechange? Merci, Seigneur. Se faire envoyer dans le trou du cul du monde pour le compte d'un groupe d'espions inconnus nommé Cardinal? Non, mais je t'en foutrais, moi. Tu vas le faire, ce code? Allez! Ça. Partous, on se concentre. D'accord, c'est parti. Je l'ai. Je pénètre dans le système du satellite. Eh ben, c'est pas les rois de la protection informatique, les Coréens. Cardinal connecté au réseau. Maintenant, SMU Mousquetaire pour Cardinal, à vous. Ici Cardinal pour Mousquetaire. Essayez le code Lima Victor Foxtrot 709. J'attends la réponse. Réponse Delta 2, bravo Charlie 90. Confirmé. Bravo Mousquetaire, j'adore la ponctualité. Rapport des événements. Phase 1 de l'objectif terminée. Accès aux commandes confirmées. Présence non détectée. Phase 2. Phase 2. C'est à vous. Attendez que le paquet de données soit installé sur les commandes de contrôle. Ils ont l'air de s'y connaître en technologie chez Cardinal. Installation confirmée. Vous avez accès à l'ordinateur, Cardinal. Attends, Porthos. Cardinal vise un vol régulier pour la Corée du Sud. Cardinal, vous avez tiré sur un avion civil. Je répète, vous avez tiré sur un avion civil. Ne changez rien. Quoi? On fait rien? Cardinal, nous demandons l'annulation du tir. Confirmé à vous. Maman dit que le dîner est prêt. J'arrive, ma chérie. Quoi?